Amen. Amen. What a glorious blessing. Quelle glorieuse bénédiction. To share with you some of these secrets of heaven. De partager avec vous quelques-uns de ces secrets des cieux. Precious people across the globe. Précieux peuples à travers le monde. And that's why I've said time and again. C'est pourquoi je l'ai dit encore beaucoup de fois. That there is no time for the church. Qu'il n'y a pas de temps pour l'église. To engage in corruption, preaching the gospel of corruption. De s'engager dans la corruption, de prêcher un évangile de corruption. When there is so much to use to prepare the sheep, there is so much work. Quand il y a tellement à utiliser pour préparer les brebis, quand il y a tellement de travail. For example, this segment is so critical. Par exemple, ce segment est si important. The church must know this. L'église doit savoir cela. To enter. Pour entrer. But I want to repeat this again. Mais je désire répéter ceci encore. That Revelation chapter 19. Que l'Apocalypse chapitre 19, verses 6 to verse 10, les versets 6 au verset 10, essentially celebrate, essentiellement célèbre, the wedding feast of the Lamb of God, le festin de noces de l'agneau de Dieu, and it's arraying and displaying, tout est arrangé et déployé, the glorious garment for the feast, et l'arrange et déploie le glorieux vêtement pour la fête. In other words, the standards and the benchmark, en d'autres mots, le standard et la référence that has been set by God Almighty, qui a été mis par le Dieu Tout-Puissant to be struck, pour être atteint, to be scored, pour être mis en évidence at the wedding feast of the Lamb. Au festin de noces de l'agneau. You may call it a sieve, vous pouvez appeler ça une passoire of the Holy Spirit, du Saint-Esprit. But he goes on, mais il va to actually identify, pour présentement identifier who the bride of Christ is, qui est l'épouse de Christ. But when you move on from Revelation chapter 19 verse 11, mais quand vous vous déplacez de Apocalypse chapitre 19 verset 11 to verse 21, au verset 21, then you see another type of discourse, alors vous voyez un autre type de discours. You see the rider of the white horse. Vous voyez celui qui est assis sur le cheval blanc. And you see that in his countenance and coming. Et vous voyez que dans son visage et sa venue, he's coming to do battle. Il vient pour combattre. His arms are trained for war. Ses bras sont entraînés pour la guerre. And doing battle. Et pour se battre. And fighting. Et lutter. And he says, et il dit that the armies of heaven, que les armées des cieux, they are following him. Ils le suivent. And in verse 15, et au verset 15, out of his mouth, de sa bouche, comes the sharp sword, sort une épée aiguë, with which he strikes the nations, avec laquelle il frappe les nations. Remember, whom does he strike? Souvenez-vous qui il frappe. He strikes the nations. Il frappe les nations. And then his name is well spelled out. Son nom est bien précisé. There cannot be any confusion whatsoever. Et il ne peut pas y avoir aucune confusion que ce soit. Regarding his identity. Concernant son identité. He says, he's the faithful one and true. Et il dit, je suis le fidèle et le véritable. He is the word of God. Il est la parole de Dieu. He is the king of kings. Il est le roi des rois. And Lord of lords. Le seigneur des seigneurs. From verse 17 on, depuis le verset 17 et suivant, you now see the angel that cries. Nous voyons maintenant l'ange qui crie. And calls the birds. Et qui appelle les oiseaux. To eat the kings, pour manger les rois, and the generals, et les généraux, and the mighty men of the earth, et les hommes puissants de la terre. And then when you read on from verse 19, et ensuite quand vous lisez depuis le verset 19, then you now catch the gist of how this relates to the war coming to Iran. Et là, vous saisissez l'essentiel. Comment cela est en relation avec la guerre en Iran? Because he says, parce qu'il dit, verse 19, au verset 19, he says, then I saw the beast and the kings of the earth. Il dit, et je vis la bête et les rois de la terre. And their armies gathered together. Et leurs armées rassemblées. In other words, you see an alliance. En d'autres mots, vous voyez une alliance. The beast. La bête. And the armies of the earth. Et les armées de la terre. With their generals. Avec leurs généraux. So it means there is an alliance that is formed here. Ce qui signifie qu'il y a une alliance qui se forme ici. But anyhow, as you go on, et, mais qu'importe, si vous allez plus loin, then you see that now the beast, alors vous voyez que maintenant, la bête and the false prophet, et le faux prophète, they are caught, ils sont pris. After catching them, après qu'ils ont été pris, they are thrown into the lake of fire. Ils sont jetés dans l'étang ardent de feu. And when they are thrown into the lake of fire, et quand ils sont jetés dans l'étang de feu, that is amazing now. C'est étonnant maintenant. Let me explain to you something here. Laissez-moi vous expliquer quelque chose ici. If from verse 6 of Revelation 19, si depuis le verset 6 de Apocalypse 19 to verse 10, jusqu'au verset 10, he celebrates the Messiah coming to snatch the church. Il célèbre le Messie venant prendre l'église. He celebrates the Messiah coming to rapture the church. Il célèbre le Messie venant pour enlever l'église. He celebrates Christ coming to gather the elect. Il célèbre Christ venant pour rassembler les élus. Verse 6 to 10, the rapture. Les versets 6 à 10, l'enlèvement. But when you get to verse 11, mais quand vous allez au verset 11, in verse 11, au verset 11, he's talking about the Messiah coming. Il parle à propos du Messie venant to do battle. Pour faire la guerre. And among those coming with him, et parmi ceux qui viennent avec lui are those with fine linen, sont ceux qui ont du fin lin, bright and clean, brillant et pur, meaning some of the raptured saints, signifiant quelques-uns des saints de l'enlèvement. Listen very carefully, precious people. Écoutez très attentivement, précieux peuple. Between Revelation chapter 19 verse 10, entre Apocalypse chapitre 19 le verset 10 and Revelation 19 verse 11 et Apocalypse 19 verset 11, Revelation 19, la Apocalypse 19, between verse 10 and verse 11, entre le verset 10 et le verset 11, the rapture has taken place, l'enlèvement a pris place, the church has been taken away, l'église a été enlevée. But what is even most amazing, mais ce qui est même très étonnant, is because he is talking in verse 19 to 21, c'est parce que il parle du verset 19 jusqu'au verset 21, about the beast, à propos de la bête, the beast and the false prophet, la bête et le faux prophète, and they're finally caught and thrown, et ils sont finalement pris et jetés into the lake of fire, dans l'étang de feu. That can only happen, ça peut seulement arriver, after the beast has finished his work, après que la bête ait fini son travail. That means after the tribulation, ça signifie après la tribulation. Listen to this, écoutez ceci, just like this, look, look, juste comme ceci, regardez, regardez, at the exact end of the tribulation, à la fin exacte de la tribulation. And I'm going to read for you another scripture later in a short while. Et je vais lire pour vous un autre texte pour vous courtement. In Revelation chapter 20. Dans Apocalypse chapitre 20. Where you'll see the saints that have been killed, devoured. Où vous allez voir les saints qui ont été tués, dévorés. For the testimony they stood with, the testimony of Christ. Pour le témoignage qu'ils ont tenu, pour le témoignage de Christ. And you'll see, et vous verrez, that those saints, que ces saints, they cry out, ils crient. But then, mais ensuite, when the Messiah comes, quand le Messie vient, with the saints from heaven, avec les saints des cieux, they are resurrected, ils sont ressuscités. They are first told, on leur dit premièrement, before the Messiah comes, avant que le Messie vienne, they are crying, ils pleurent. They say, how faithful and true. Ils disent, combien fidèle et vrai. Sovereign God. Le Dieu souverain. Holy and righteous one. Saint et juste. When will you avenge our blood? Quand est-ce que tu vas venger notre sang? I have described the seals, one, the second seal, two, third seal, three, fourth seal, four. J'ai décrit les sceaux, un, les sceaux deux, le sceau trois et le sceau quatre. On the scroll of God. Du rouleau de Dieu. And I've said. Et j'ai dit. That those first four. Ces quatre premiers. Those seals, four seals. Ces sceaux, ces quatre sceaux. Out of the seven. Parmi les sept. The first four. Les quatre premiers. They denote for the release of the four apocalyptic horsemen. Il dénote pour le relâchement des quatre cavaliers apocalyptiques. We've seen that in Revelation chapter 6. Nous voyons ceci dans Apocalypse chapitre 6. But when the fifth seal is broken, mais quand le cinquième sceau est brisé, there I have summarized for you, aujourd'hui j'ai résumé pour vous the first four seals. Les quatre premiers sceaux. The release of the four horsemen of the apocalypse. Le relâchement des quatre cavaliers de l'Apocalypse. So you can imagine what a mighty thing I was doing here. Alors vous pouvez imaginer la grande chose que je suis en train de faire ici. Because you see that now, when the fifth seal is broken. Parce que vous voyez que maintenant où le cinquième sceau est brisé. In Revelation chapter 6. Dans l'Apocalypse chapitre 6. Then you see so many souls under the altar. Alors vous voyez tellement d'âmes sous l'autel qui ont été tuées for the testimony of Jesus. Pour le témoignage de Jésus. That means, ça signifie you cannot preach at that time. Vous ne pouvez pas prêcher dans ce temps. The church cannot exist at that time. L'église ne peut pas exister en ce temps. If the church existed, si l'église existait, she has to testify Jesus. Elle doit témoigner de Jésus. She will say, I am born again. Si vous dites, je suis né de nouveau, that is testimony unto the Lord. C'est témoigner du Seigneur. She will say, I am redeemed. Si vous dites, je suis racheté, that is standing with the Lord. C'est tendre vers le Seigneur. That is preaching the Lord. Prêcher le Seigneur. Testifying Jesus. Témoigner de Jésus. So when the fifth seal is broken, alors, quand le cinquième sceau est brisé, you see the souls that are mourning for revenge. Vous voyez les âmes qui se plaignent pour la revanche. They have been murdered. Ils ont été assassinés. Beheaded. Décapités. According to Revelation chapter 20. Selon Apocalypse chapitre 20. But when they cry in Revelation 20. Mais quand ils crient dans Apocalypse chapitre 20. They are told. On leur dit. No, wait a little bit. Maintenant, attendez un peu. Until your fellow brethren to complete the number have been murdered. Jusqu'à ce que les autres qui doivent être aussi assassinés vous rejoignent, que le nombre soit complet. Have been beheaded. Qui seront décapités. And you read on what's the end. Et vous lisez quelle est la fin. He says, il dit. And when the Messiah comes, que lorsque le Messie vient, they are resurrected. Ils sont ressuscités. When the Messiah comes, they are resurrected. Quand le Messie vient, ils sont ressuscités. And then he says, et ensuite il dit, and they reign with him for 1,000 years. Et ils règnent avec lui pour 1,000 ans. That means on the same day when the Messiah is coming back. Ça signifie que le même jour où le Messie revient for the second coming of the Lord, pour la seconde venue du Seigneur, is the exact day they resurrect also. C'est le jour exact où il ressuscite aussi. And they are given glorious white garments. Et on leur donne un vêtement blanc et glorieux. That's the only way they can reign with the Messiah for 1,000 years. Et c'est la seule manière où ils peuvent régner avec le Messie pour 1000 ans. Otherwise, they will have reigned with the Messiah for 999 years. Autrement, ils veulent régner avec le Messie pour 999 années. And so many days. Et tellement de jours. And so I'm getting ahead of myself, but I want to get to this war. Et alors, je suis en train d'aller au-dessus de moi-même, mais j'aimerais aller à cette guerre. And so, when you look at Revelation chapter 19. Et alors, quand vous regardez Apocalypse chapitre 19, what the Holy Spirit is expositioning from verse 11 to verse 21. Ce que le Saint-Esprit est en train d'exposer du verset 11 au verset 21. He is telling you, il vous dit, that these are the events on the day of the Lord when the Messiah comes, que ce sont les événements du jour du Seigneur quand le Messie vient to Jerusalem. À Jérusalem. So this war is talking about, alors cette guerre parle à propos of striking down the nations with his sword, de frapper les nations avec son épée. And the generals and the beast that has gathered with generals, et les généraux et la bête qui se rassemble avec les généraux, gathering against the Messiah, rassemblés contre le Messie. That happens when the Messiah is coming from heaven to Jerusalem. Ça arrive quand le Messie vient des cieux à Jérusalem. This war here. Cette guerre ici. This is not the Israel-Iran war. Ça n'est pas la guerre entre Israël et l'Iran. It is not. Ça n'est pas. Again. Encore. The Israel-Iran nuclear war that is about to take place now. La guerre nucléaire entre Israël et Iran qui va prendre place maintenant. It is not this war. Ça n'est pas cette guerre. Where the beast is bound. Où la bête est liée. With this false prophet. Avec son faux prophète. And plunged into the lake of fire. Et jeté dans l'étang de feu. That is not the Israel-Iran war we are talking about right now. Ça n'est pas la guerre entre Israël et Iran dont nous parlons maintenant. So what then is this Israel-Iran war? Alors, qu'est-ce que c'est cette guerre entre Israël et Iran? But before I mention anything, mais avant que je ne mentionne quoi que ce soit, let me jump on further, precious people. Laissez-moi sauter plus loin, précieux peuple. So which one is the Israel-Iran war? Alors, quelle est la guerre entre Israël et Iran? I have a small chart here. J'ai un petit graphique ici. I've called it the prophetic timeline of God. Je l'ai appelé le temps prophétique de Dieu. And I positioned the place called today. Et j'ai positionné une place nommée aujourd'hui. In other words, this is where we are today. En d'autres mots, c'est là où nous sommes aujourd'hui. And I drew a horizontal line. Et j'ai dessiné une ligne horizontale. And the first part on the left. Et la première partie à la gauche, I called it today. Je l'ai appelé aujourd'hui. Meaning where we are today. Signifiant, c'est là que nous sommes aujourd'hui. And then I drew a vertical line to cut the horizontal line. Et ensuite, j'ai dessiné une ligne verticale pour couper la ligne horizontale. And then inside the next segment, I said the tribulation. Et ensuite, à l'intérieur du segment suivant, j'ai dit la tribulation. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. The Israel-Iran war. La guerre entre Israël et Iran. That is going to take place. Qui va prendre place. Will be so severe. Va être si sévère. That there will be a hit back. Qu'ils vont se venger. Where Iran hits back. Où l'Iran va se venger. And it's going to be a flare up. Et ils seront enflammés. And it will be led by Russia. Et ça va être guidé par la Russie. As you can see today. Comme vous voyez aujourd'hui. In the news I am going to read for you here. Dans les nouvelles, je vais vous lire ici pour vous. How Russia warns. Comment la Russie met en garde. Russia warns Israel and United States. La Russie avertit Israël et les États-Unis from attacking Iran. À propos d'attaquer l'Iran. So you begin to see the central role of Russia. Alors vous commencez à voir le rôle central de la Russie in this war. Dans cette guerre. Even the nuclear plants in Iran, même les centrales nucléaires en Iran, they have been built by Russia. Elles ont été construites par la Russie. I want to read for you a lot of news reportage here from Haaretz newspaper, which is an Israeli newspaper. Je vais vous lire beaucoup de nouvelles reportées du journal Haaretz, qui est un journal israélien. But when this war takes place, mais quand cette guerre prend place, it will be so severe, elle va être si sévère, to cause Israel to sign a peace treaty for 7 years. Parce que Israël va signer un traité de paix de 7 ans. A false peace treaty. Un faux traité de paix. And that means when this war takes place, ça signifie que quand cette guerre prend place, it happens at the time when the rapture is here. Ça arrive au temps où l'enlèvement est là. Because parce que when it takes place, quand ça prend place, Israel is compelled to sign a 7-year peace treaty, a false one. Israël est contraint de signer un traité de paix de 7 ans, un faux traité. With the Arab states and Russia, avec les États arabes et la Russie, and the enemies of God. Des ennemis de Dieu. That is the tribulation. Ça, c'est la tribulation. The rapture has happened. L'enlèvement est passé. Shalom.